Je suis ta sœur rwandaise. Texte de Philomène Bohoussou. K00 dans le rôle d'Yvonne. Christophe dans le rôle de Yves et Fred à la narration. Courrier d'Yvonne à Yves. Bonjour Monsieur Pascal Rioux. Je m'appelle Yvonne Abineza. Je suis rwandaise. J'ai 17 ans et je sais que tu en as 15. Comment je sais qui tu es? Qui suis-je au juste? Comment j'ai eu ton adresse postale? Et pourquoi je t'écris aujourd'hui? Toutes ces questions sont, je le sais, celles que tu es en train de te poser en ce moment. Je te comprends. Voilà pourquoi, tout de suite, je te donne des réponses. Je m'appelle donc Yvonne Abineza. Et je te l'ai dit, ce nom ne te dit pas grand-chose. Je te le répète. Je m'appelle Yvonne Abineza. Tu ne me connais pas, puisque tu n'avais que 3 ans quand c'est arrivé. À cet âge, on n'a pas la mémoire assez mûre pour conserver des souvenirs de certaines personnes. En 1994, je m'appelais Yvonne Abineza et toi Yves Abineza. Et nous étions les enfants de Claire et Pierre Abineza. Nos parents ont été tués lors du génocide rwandais de 1994. Tu avais 3 ans et moi 5. Je sais que tes parents adoptifs, les Rioux, ont sûrement eu à t'en parler. Je veux parler du génocide rwandais. Ce carnage qui a duré près de 100 longs jours. Ainsi donc, je le répète, je m'appelle Yvonne Abineza et je suis ta sœur rwandaise. Je suis la seule parente proche qui te reste ici au Rwanda, ton pays natal. Et je te jure que je me suis donné tant de mal pour retrouver tes traces. En effet, depuis 3 ans au moins, je tape à toutes les portes des organisations de recherche de personnes disparues. Je pars de structure en structure avec une photo dans laquelle tu avais presque 2 ans. On m'a balancé d'ONG en ONG, d'administration en administration. J'ai parfois été gagnée par le découragement, mais comme je tenais à te retrouver, j'ai continué. J'ai prié Dieu pour qu'il me guide à toi. J'ai imploré l'esprit de mes parents pour qu'ils nous réunissent un jour. Je crois que mon chagrin a finalement touché notre Seigneur, car il y a 2 jours, le miracle s'est produit. Une organisation à qui j'avais confié ta recherche depuis 13 mois m'a fait appeler. La responsable, une vieille Française, m'a dit « Mademoiselle Abineza, je crois que mon ami dont je vous ai parlé l'an dernier, qui m'aide dans la recherche d'enfants rwandais disparus, a peut-être retrouvé ton petit frère. Suivant tes informations le concernant 1994, il a peut-être retrouvé votre petit frère. » J'insiste toujours sur le mot « peut-être », car on ne sait jamais si c'est une erreur. Mais ce monsieur ne se trompe pas facilement. Mais bon, on ne sait jamais. Selon ce qu'il m'a rapporté après ses recherches, c'est que votre frère vit en Belgique et qu'il a été adopté par un couple de Belges, les Rioux. Le couple a une fille de 16 ans, sa grande sœur si on veut. Ton frère, Yves Abineza, aujourd'hui s'appelle Pascal Rioux. Il a effectivement 15 ans. Il est en classe de première à Namur, où il vit avec ses parents adoptifs, Arsène et Claire Rioux. Cela n'a pas été facile de le localiser et de l'identifier. J'avoue que ça tient du miracle. Ce monsieur, mon ami et sa structure ont leur méthode. Ce que je sais, c'est qu'ils se trompent rarement. Voici donc l'adresse postale et le téléphone de la famille adoptive de ton frère. Je te conseille pour commencer de lui écrire une lettre. Dans ce genre de situation, c'est ce que personnellement je recommande pour faire les présentations. Certainement que ton frère ne sait même pas qu'il est d'origine rwandaise. Voilà donc achevé ma mission. C'est à vous donc de jouer et d'être convaincante. J'ai pris tes coordonnées et aujourd'hui je me décide à t'écrire. Cette longue lettre à toi, Yves Abineza, mon petit frère. Cette lettre, petit frère, ne peut pas te traduire ce que je ressens. Je suis heureuse de te savoir en vie et vivant dans de bonnes conditions. Prochainement, je vais te faire parvenir une photo de nous deux enfants et une de moi aujourd'hui. Et une vieille photo de papa. Je n'ai malheureusement pas de photo de notre maman, car ma tante Marie chez qui j'habite est une parente de papa. Et par malchance, elle ne possède pas de photo de notre mère. Tu ne peux pas savoir comment je suis heureuse. J'ai tellement envie de te voir, voir comment tu es devenue. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Pourquoi la vie nous a-t-elle fait ça? Pourquoi? Je pleure depuis que nos parents ont été tués et depuis qu'on t'a séparé de moi dans un camp de réfugiés au Burundi. Je crois que je n'ai même plus de feuilles pour t'écrire, De toutes les façons, je sais que je ne pourrai finir de te parler tant j'ai assez à te dire. Mon frère, moi je n'ai pas de doute. Je sais que c'est toi mon frère. Mais toi, tu n'es pas obligé de croire en cette histoire. Mais j'espère que tu vas me répondre et prendre plus de renseignements avant de me conduire. Yves, je voudrais aussi te demander de garder ce courrier secret vis-à-vis de tes parents adoptifs pour le moment, car on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir et prendre la chose. J'espère que tu es d'accord avec moi. Et surtout, envoie-moi une photo de toi, s'il te plaît. Je veux te voir si tu ressembles encore à notre père. Déjà enfant, tu lui ressemblais, selon notre tante. Au revoir, je t'embrasse fort, fort, fort. Courrier d'Yves à Yvonne. Bonjour Yvonne. Je commencerai par te dire que non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu t'en souviens? Tu m'as suggéré de garder secret ton courrier. Eh bien, je ne suis pas pour cette idée. J'ai donc montré ta lettre à ma maman. Elle en a été toute retournée. Elle était triste pour nous et contente aussi pour moi. Elle l'a fait lire à papa, et ils sont contents que toi, ma sœur, tu existes, si cette histoire est une vérité. Car bien entendu, ils émettent des doutes. Et c'est normal, non? Tu sais, c'est ma grande sœur Natacha, la fille de mes parents, qui m'a envoyé ton courrier. Quand elle m'a dit que j'avais une lettre du Rwanda, je ne savais pas qui pouvait m'écrire du Rwanda. Je ne connais personne là-bas. Alors, je me suis dit que c'est sans doute quelqu'un qui a eu mon adresse dans un truc de correspondance, puisque j'avais une fois ou deux souscrit à un truc de ce genre, même si mon choix ne portait pas particulièrement sur le Rwanda. Mais mes parents ne m'ont pas caché mes origines. Je sais depuis tout petit que je suis un rescapé du génocide rwandais. Ils m'ont expliqué ce qu'ils savent de ma famille, et j'avoue qu'ils en ont eu peu d'informations. Personnellement, je n'aimais pas vraiment qu'on me parle de génocide, de violence et de ces horreurs, alors j'évitais d'avoir des correspondants du Rwanda. Yvonne, crois-moi, quand j'ai lu ta missive, j'ai eu l'impression de rêver. C'était un sentiment sans nom, carrément sans description, qu'il faille vivre pour comprendre. C'est un sentiment sans nom tant il est unique. Je me suis plusieurs fois pincé pour savoir si je vivais encore, pour savoir si j'étais dans le réel ou l'irréel. Pas une seule fois dans ma vie j'avais imaginé un si grand miracle. Sans doute, dans un secret espoir, de très rares fois, il m'arrivait d'imaginer qu'un jour, par le plus grand des hasards, ou comme dans les films, je tomberais sur un membre de ma famille biologique. Crois-moi, je suis enchanté de te savoir exister, Yvonne Abinezza, ma sœur. J'ai lu ta lettre et chose extraordinaire, pas une poussière de seconde je n'ai eu un quelconque doute. Oui, je n'ai pas douté de la sincérité de tes paroles. Pour quelqu'un comme moi à qui souvent on reproche d'être trop méfiant en règle générale, j'ai tout de suite eu foi en toi. La preuve que toi et moi avons le même sang dans nos veines. Je te jure que je n'en douterai jamais. Ma sœur, ta lettre s'est gravée à jamais en moi, surtout cette phrase. Je m'appelle Yvonne Abinezza et je suis ta grande sœur rwandaise. Cette courte parole, je vais m'en souvenir toute mon existence, tant elle seule dit tout à la fois. Je me demande si j'allais être touché de la même façon si cette phrase n'avait pas existé. À cela, je n'aurai jamais la réponse. En me la répétant ainsi, tu as bouleversé véritablement ma vie. J'ai une sœur au Rwanda, moi. Qui eût cru? Tu sais ce que cela signifie pour moi. Et bien que je n'ai donc pas perdu toute ma famille durant le génocide, j'ai une sœur quelque part dans ce pays qui reste le mien. C'est un miracle que je ne croyais pas possible. On avait dit à mes parents adoptifs que toute ma famille avait été assassinée par des gens appelés les Hutus et que je suis le seul survivant. Je ne sais pas si les gens ont menti sciemment à mes parents ou alors s'ils l'ont fait par erreur. Mes parents m'ont adopté par l'intermédiaire d'une structure en 1995. J'avais 4 ans. Mon père alors travaillait à Genève pour l'UNESCO. Maman s'est elle-même rendue sur place à Kigali et est alors revenue avec moi. Les gens à Kigali n'avaient aucune idée de mon prénom et mon nom de famille. En Suisse, Mon père a décidé de m'appeler Pascal, qui est en réalité le prénom du cousin de mon père. Ce gentil monsieur est d'ailleurs devenu mon parrain. Il s'appelle Pascal Ignette. Mon père et lui sont plus des meilleurs amis que des cousins, quand même, à dire ma mère. Papa voulait que je porte le prénom de son fantastique cousin. Voilà comment je suis devenu Pascal Rioux. En 1999, mes parents sont revenus s'installer à Namur, leur ville natale. Tout le monde dans cette petite ville sait que je suis un fils adopté, puisque, évidemment, je suis un noir. Toutefois, rares sont ceux qui savent mon pays d'origine. Ma mère évite que les gens le sachent, car ils auront tendance à m'interroger, par exemple sur le génocide. Elle dit que ce n'est pas bon pour mon équilibre mental. Cependant, aujourd'hui, savoir que j'ai quelqu'un de mon sang au Rwanda me rend heureux, et du coup, ça me rend très curieux. J'ai envie de savoir à quoi ressemblaient ceux qui m'ont donné la vie, voir le visage de cette femme-là qui m'a porté 9 mois. Comment on vivait avant le drame, que faisait mon père? Je veux à présent savoir comment sont morts mes parents. Est-ce que j'avais d'autres frères et sœurs à part toi? Je veux savoir comment on a fait tous les deux pour sortir vivant de ce carnage. Comment tu as réussi à vivre toute seule au Rwanda, sans nous? Je veux tout savoir, même si je sais que ça va me faire mal. Yvonne, je veux que tu me dises tout, même si ça va m'être douloureux. Et puis, en fait, comment ce monsieur a fait pour me localiser et avoir tant de renseignements sur moi? C'est prochainement que je t'expédierai des photos, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas une image très récente, où je me trouve seul. Alors je préfère attendre, ok? Et n'oublie surtout pas de m'envoyer au moins une photo de moi, enfant, celle où j'avais 2 ans, dont tu as parlé, justement. Tu comprends, mes parents ont besoin d'être certains que ce n'est pas un coup monté pour soutirer plus tard de l'argent. Moi, je n'ai pas de doute, mais bon, leur réaction est normale, car c'est du déjà vu. Au revoir, Yvonne Abinezza. Courrier d'Yvonne Abinezza à Yves Rioux. Salut, comment tu vas? Bon, voilà les photos. Il y a là une photo en blanc et noir de papa, en pantalon gros bas et l'afro. Très rigolo. Il y a là la fillette souriante d'environ 3 ans. C'était moi. Et le bébé de quelques mois que j'ai sur les pieds, eh bien, c'est toi. Tu sais, j'ai perdu ce sourire depuis 12 ans. Depuis que des gens, sans raison, ont massacré, comme des bêtes, nos parents et nous ont rendus orphelins. Depuis qu'on t'a séparé aussi de moi. Il y a la photo où tu tiens un ballon. Tu devais avoir presque 2 ans. C'est avec cette photo que je parcourais les organisations. Cette photo, tante Marie dit qu'on te l'a prise quelques mois avant le génocide. Elle était partie chez nos parents et elle l'a confisquée au grand mécontentement de notre maman qui se plaignait n'en posséder qu'une seule. Il y a le photoportrait, c'est moi. Je l'ai prise pendant le jour de l'an, cette année. Je voudrais te dire, Yves, que je suis soulagée que tes parents blancs ne m'en veuillent pas. Avoue que ce n'était pas évident. Les gens ont parfois des réactions étranges. Voilà pourquoi je t'ai suggéré le secret. Tu veux que je te parle de nos parents? Pour l'instant, je ne préfère pas. De toutes les manières, je n'ai vaguement que quelques brides de souvenirs. La plupart des choses que je sais sur nos parents m'ont été dites par ma tante Marie. J'étais trop jeune en 94 pour me souvenir de tout. Tu sais, on m'a donné ton numéro, mais je crois que ça doit être une vieille affaire, car je n'arrive pas à t'appeler. Je dis bien de choses à ta famille. Merci d'avoir confiance en moi. Et sache que je n'en veux pas à ta famille de penser d'entrée de jeu à de l'escroquerie, car c'est possible que les gens inventent des choses pareilles pour escroquer. Je pense que c'est malheureux de jouer ainsi avec les émotions des gens, sur une chose aussi sérieuse que les retrouvailles d'un frère et sa sœur. Mais par ce bas monde, tout se fait, même l'impensable, comme par exemple l'extermination de ses semblables. Écris-moi, j'attends avec impatience ta photo. Courrier d'Yves à Yvonne. Courrier 4 d'Yves à Yvonne. Me voici enfin, tout souriant pour toi. Voilà donc ce que je suis devenu à 15 ans. En tout cas, pas très beau, mais c'est moi quand même. Comment vas-tu, grande sœur ? J'ai montré tes photos à ma famille. Ma mère et ma sœur Natacha en ont eu presque des larmes. Plus personne ici ne doute encore, surtout quand on voit la nette ressemblance entre mes photos prises juste après mon adoption et celles que tu m'as envoyées là où j'avais 2 ans. Et puis actuellement, je ressemble fort bien à notre père, bien vrai que sa photo ne soit pas très très visible. Et ça se voit nettement sur ta photo, notre air de famille. Moi et toi, on ne se ressemble pas comme 2 gouttes d'eau, mais il n'y a aucun doute, nous avons des traits de ressemblance, comme par exemple nos fronts. Ah oui, ce bon front rwandais. Comme avait commenté mon père qui a eu à effectuer des missions par le passé au Rwanda. Maman dit qu'elle va faire agrandir la photo où tu souris avec moi sur tes pieds et la faire mettre au salon. Ton sourire m'a transpercé le cœur. J'ai regardé, regardé et regardé inlassablement ces photos et j'en ai coulé une larme. Je me demande encore comment on peut être fait pour vouloir ôter sans aucune pitié la vie à des enfants. Et quand je pense que des milliers d'enfants qui avaient notre âge en 94 ont été tués atrocement, j'en suis révolté. J'ai loué des documentaires sur le génocide et j'ai pu voir les horreurs qui y sont racontées. J'y ai vu les corps retirés des fosses communes. Dis-moi, est-ce que nos parents aussi ont été mis dans des fosses communes? Même si ça fait mal, dis-le-moi pour que je le sache. Rassure-moi qu'eux, au moins, ont eu la chance d'être enterrés dignement et non comme des bêtes. Ils me font si pitié, si tu savais. C'est trop dur d'y penser, d'imaginer. J'ai vu aussi un truc sur des enfants morts lors du génocide, et je pense que nous avions eu de la chance. C'est un privilège d'être toujours en vie. Yvonne, est-ce qu'au Rwanda tu as accès à Internet, car avec des courriers électroniques, on pourrait se lire plus rapidement. Tu sais quoi? Tu m'appelles Yves, et ça me fait tout drôle. Je vais te raconter une histoire banale, et pas très banale à la fois. Quand j'étais en 6e, il y avait un élève dans ma classe. Il était nul et un peu plus âgé que nous. Tout le monde se moquait tout le temps de lui, et puis un jour, à la récré, après que toute la classe s'est moquée de lui, il m'a giflé, bien entendu, sans manquer de me traiter de nègre dans un coin loin des regards de nos encadreurs. Je me suis abstenu de rapporter cet épisode à ma mère, sinon ça aurait bardé dans cette école. L'élève en question s'appelait Yves. Et donc, depuis cet épisode, j'ai une sorte d'antipathie instinctive pour tous les Yves. Alors, me savoir m'appeler moi aussi comme ça, ça me fait drôle. Cependant, je pense que si mon père l'a choisi parmi des millions de noms, c'est qu'il doit avoir une raison, ou alors tenir à ce nom, alors je crois que moi aussi je l'aime. Ce serait beau, Pascal Yves Rioux Abinezza, ou alors Yves Pascal Abinezza Rioux. Bye, et je salue Tante Marie. Maman me charge de te dire qu'elle va demander une messe pour le repos de l'âme de nos parents. Tu es catholique? Tu pourrais trouver un téléphone parce que je veux t'appeler et entendre la voix de ma sœur. Bisous, je t'aime très fort. Courrier d'Yvonne à Yves. Bonjour, je commencerai par dire merci à ta famille pour la messe. C'est très gentil. Moi aussi je suis catholique, comme ma tante Marie. Il y a longtemps que je voulais leur faire dire une messe. Mais, l'argent faisant défaut, je n'ai pas pu. Je remercie tes parents. Tu sais, je veux te dire aussi que parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Il faut toujours te dire que ton père et ta mère reposent dignement. Mets-toi cela dans la tête et oublie le reste. Moi, tu vois, je préfère y croire, même si c'est aveuglément. Alors, fais comme moi. Fais comme tous les Tutsi qui ont perdu des êtres chers en 94. Ne cherche pas à découvrir une quelconque vérité qui risque de te poursuivre. Tu dois essayer d'avoir de bons souvenirs d'eux comme par exemple qu'ils sont originaires de l'est du pays, vers la frontière du Burundi, et qu'ils étaient un couple heureux. Selon aussi notre tante, maman y a un bébé avant moi, qui est mort quelques semaines après sa naissance. Elle était enceinte quand elle a été tuée, malheureusement. Bon, finalement, comme tu veux des détails sur leur mort, je vais te dire quelque chose que m'a raconté ma tante, ajouté à mes quelques brides de souvenirs. Un groupe d'hommes armés s'est présenté chez nous. C'était pour la plupart des gens du voisinage. J'étais avec toi et à manœuvre de papa à l'arrière-cour, un peu à l'écart de la maison familiale. Papa y levait des dindons et on aimait s'amuser à les toucher. Je ne sais pas trop, mais c'est en ce moment-là que les tueurs sont arrivés sans crier gare. Je suppose que c'est quand le manœuvre congolais a entendu les cris qu'il t'a mis sur son dos, m'a pris sur sa poitrine. Avec nous, il a couru le plus vite et le plus loin de notre maison pour nous sauver la vie à travers la forêt. Je ne savais pas, en ce moment-là, que je ne reverrais plus jamais mon papa et ma maman. Il y avait aussi, chez nos parents, le frère de papa, la nièce de maman, et ces trois, des adolescents, qui ont été tués aussi ce matin-là, selon tante Marie. J'en ai très vaguement souvenir d'eux. Je me souviens que dans la forêt, tu pleurais beaucoup, et c'était difficile de te faire taire. Je ne sais pas si on est tombé ou pas sur des Hutus, mais toujours est-il que cet homme nous a conduits et laissés au Burundi dans un camp de réfugiés pour enfants, après la traversée du fleuve à Kanyaru. Il y avait beaucoup d'enfants, comme nous là-bas, qui avaient perdu leur famille. C'est là que tout se mélange dans ma tête. Je ne sais pas où juste, pour quelle raison, ces gens sont venus te chercher un jour. Je me souviens que tu pleurais beaucoup. Mais d'autres enfants, plus âgés, aussi faisaient de même. Tout le temps, je te tenais, ta petite main, et tu réclamais notre mère. Moi, je te disais de te taire et qu'elle allait venir nous chercher. On ne savait pas ce qu'on faisait là, dans ce brouhaha, au milieu de nulle part. Tu te collais à moi, et moi je te serrais la main pour ne pas te voir te fondre dans la foule. Et puis, si j'ai bonne mémoire, on a peut-être passé des jours comme ça, à survivre, et puis, un beau jour, j'ai vu des femmes, des religieuses en blanc, t'ont pris par la main et entraîné vers un camion où il y avait d'autres enfants. Je te tenais l'autre main et je vous suivais. Elle t'a fait mettre dans la voiture alors que j'essayais impuissamment de te tirer et toi, tu te débattais. Une autre adulte m'a retenu de force. Tu criais et moi j'hurlais ton nom quand la voiture est partie avec toi, dedans, sans moi. J'ai vu cette voiture s'éloigner avec tes pleurs, vos pleurs. C'était la dernière fois que je te voyais. C'était la dernière image que j'ai de toi, et elle est conservée malgré mes 5 ans. Je voulais que tu restes avec moi. Je voulais m'occuper de toi, et ils t'ont emporté. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, on m'a plus tard fourni des explications discutables, comme quoi que certains changements de camp ont été faits pour éviter des épidémies. Il paraît que sans doute tu avais la varicelle, et qu'on t'avait envoyé dans un autre camp où il y avait des médecins sur place. 6 mois après, nous les enfants réfugiés, nous avons été mis dans un autobus pour revenir au Rwanda. La guerre était finie, j'ai été placée comme beaucoup d'enfants dans un grand foyer. Au début, j'attendais tout le temps que notre mère reviendrait me chercher. Après des mois, j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. J'ai attendu que tu allais être ramenée dans ce nouveau foyer et ça n'a pas été le cas. J'ai donc seul fait face à mon destin. Après 8 mois à l'orphelinat, tante Marie, qui elle aussi avait survécu, m'a retrouvée grâce à des communiqués de diffusion des noms des enfants identifiés dans tout le pays, organisés par le gouvernement à l'époque, après la fin du génocide. Moi, par chance, l'employé de notre père, qui nous a sauvés, a dû communiquer nos noms dans le camp de réfugiés au Burundi. Elle m'a envoyé vivre chez elle. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Kigali et que j'y vis depuis 10 ans. Elle n'avait pas réussi à avoir ta trace. Ton nom a peut-être été mélangé quand tu as été déplacé. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais je me dis que c'est Dieu lui-même qui a causé ça. Il avait son plan, c'est-à-dire nous séparer, t'envoyer là où tu te trouves aujourd'hui, que tu grandisses dans une jolie maison avec ses blancs et nous réunir plus de 12 ans après. Il voulait offrir une chance à l'un de nous de s'en sortir facilement, et j'en suis ravie. Tous les petits Tutsis, je te le jure, n'ont pas une autre chance. Et je sais de quoi je parle. Je te parle de ces visages d'enfants qu'on trouve au Kigali Memorial Centre. Autre chose, je trouve que tu es beau. Je t'ai montré à notre tante et elle a pleuré. Elle dit que tu ressembles à notre père. Jusqu'à votre brèche, seulement ta peau est plus foncée, puisque tu as le teint de maman. Elle était très noire, alors que papa, par contre, était clair comme un métis. Tante m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il mange là-bas pour être aussi géant à son âge? Peut-être que toi, tu serais plus aisé à y répondre, non? Je rêve du jour où je pourrai enfin te serrer contre moi. Bisous. Courrier d'Yves à Yvonne. Ce que je mange de si nutritif, elle veut dire. Mais, eh bien, je dirais tout ce qui est aliment de croissance, surtout beaucoup de pommes de terre, enfin bref. J'aimerais beaucoup voir ma mère. Elle doit avoir un teint ébène superbe. Des gens ici adorent ma peau, alors j'imagine qu'elle devrait être mignonne. Est-ce que tu lui ressembles puisque tu as la peau claire sur ta récente photo? Ou alors, tu utilises des produits dépigmentants? À la télé, il est dit que c'est un véritable phénomène en Afrique. Ces femmes qui changent de couleur de peau avec des produits très dangereux. Surtout, je te les déconseillerais si tu en utilises. Enfin bref, maman m'a demandé de te dire comment on peut faire pour t'envoyer facilement un peu d'argent pour tes petits besoins. Je voulais t'envoyer aussi un téléphone portable, mais je préfère t'envoyer de l'argent pour que tu en achètes un sur place. Il paraît que la douane à la poste, ce n'est pas une mince affaire. Que fais-tu de tes journées? Tu m'en as rien dit. Vas-tu à l'école? Tu fais quelle classe? Que fait tante Marie pour subvenir à vos besoins? J'espère que tu ne vois aucun inconvénient à ce que je t'envoie de l'argent. C'est une idée de maman. Tu sais, on a plein de projets te concernant. Au revoir. Et voici mon email personnel. Courriel d'Yvonne à Yves. Tu constates bien que j'ai ouvert ma boîte électronique. C'était hier. En fait, c'est un voisin du quartier qui va saisir ma lettre à l'ordinateur puisque je ne sais pas encore m'en servir. Ici, je t'apprends l'informatique, c'est un luxe. Bien sûr, et confiance, je vais apprendre. D'ici 2 semaines, je vais y arriver, je crois. Pour l'argent, il faut le faire parvenir par cette structure-là, mondialement reconnue de transfert d'argent. Et tu me donneras le code par Internet. Tu voulais savoir si j'étais à l'école? Oui. Mais à l'école du soir, tu sais, après le génocide, j'ai perdu 2 ou 3 ans sans aller à l'école. La journée, je vends des fruits, selon les saisons, pour ma tante. Je charge dans une grande cuvette et je parcours la ville. C'est très lourd. Cependant, je suis habituée maintenant. Quand un client veut acheter, on me décharge. C'est un commerce fatigant, mais rentable. C'est ce que je fais pour aider ma tante à tenir les dépenses de la maison, tandis qu'elle vend quelques friandises sur une table à côté de notre domicile. Elle a perdu une jambe en 1994. Infirme, elle a besoin de moi autant que moi aussi j'ai besoin d'elle. Quand je rentre le soir, vers 19h, je me lave et je pars à mon école, à moins d'un kilomètre de la maison. Je suis cette année en classe de 5e. Tuta Onana, qui signifie à bientôt. Courriel d'Yves à Yvonne. C'est étrange de savoir que tu es en 5e à ton âge. Toutefois, je t'encourage à n'avoir pas décroché. Que veux-tu devenir plus tard? Je vais te laisser car je pars faire des courses avec Sou. À la fin de ce mois, sans faute, maman va faire un transfert d'argent. Ok ? À très bientôt, grande sœur. Courriel d'Yvonne à Yves. Je te remercie d'avance. Dis bien merci à ta famille de ma part. Je veux devenir institutrice adjointe plus tard, quand j'aurai eu mon BEPC. Mais je n'en suis pas encore là. Tu sais, pour ma tante, je suis son espoir. Elle a perdu sa fille dans le génocide. Elle a subi des coups de machette qui l'ont rendue infirme. Et depuis, cette femme est traumatisée pour la vie. Elle a donc parfois des réactions d'attardé mental. Cela fait qu'elle est compliquée. Néanmoins, je le comprends. Et je ne calcule pas ses coups de colère, qui ne sont en réalité qu'involontaires. Je l'appuie, et elle aussi. Elle est ma famille. Elle m'a sauvé la vie en me recueillant chez elle. Beaucoup d'enfants tutsis n'ont pas eu cette chance. Je lui vouerai respect toute ma vie. Ce qui m'appartient, lui appartient également. Tu sais quoi? Elle me racontait un jour que leur père, notre grand-père, t'appelait Atari. Et Atari signifie danger en swahili. Notre grand-père t'appelait ainsi car, convalescent, il était à la ferme familiale. Et quand il mangeait, tu renversais tout. Et alors, il disait que quelqu'un vienne t'éloigner de lui puisque tu étais un danger pour son thé au lait qu'il adorait particulièrement. Courriel d'Yvonne à Yves. J'ai bien reçu ton code et retiré l'argent. Merci beaucoup. Asante, qui veut dire merci en swahili. Tu sais, ici, c'est beaucoup d'argent. J'ai pu payer nos factures et nos arriérés de loyer. Je ne m'y attendais pas à tant d'argent. Je voulais refuser ta charité, mais on a trop besoin d'argent. J'ai donné de l'argent à ma tante pour garder sur elle. Elle a béni ta famille blanche en chantant à tue-tête son chant préféré, qui est le cantique catholique, qui a pour titre « Je cours vers Dieu ». Je vais chercher payer un téléphone, promis. Je me suis acheté de nouveaux vêtements. Je veux être coquette pour aller à l'église et à l'école. Tu sais, c'est la première fois de ma vie que je me sois payé des vêtements à la mode. Nos commerces respectifs ne nous permettent pas d'économiser, surtout depuis que ma tante a recueilli à la maison deux orphelins tutsis qui vivaient dans la rue. Elle avait connu les parents de l'un d'eux, et comme ils sont des amis, elle a été un peu obligée de recueillir les deux. Ils ont des comportements de délinquants qu'ils ont acquis dans les rues chaudes des quartiers populaires de notre capitale. Mais enfin avec, ce n'est pas facile pour eux non plus. On a tant de tentations ici. Moi, par exemple, quand je vends, des hommes me proposent certaines choses pour de l'argent. Je suis tentée, pourtant je refuse. Je pense que nos parents me regardent et ne vont pas être fiers de me voir me vendre. Ils ne seront pas fiers de me voir faire n'importe quoi de ma vie, cette précieuse vie que Dieu a épargnée. Je sais que tu es d'accord avec moi. L'argent facile, c'est tentant, mais c'est déshonorant. Et il y a le sida qui est là, non? Au fait, il y a beaucoup de Rwandais en Belgique. Je te dis merci et au revoir. Je t'embrasse, cher frère. Courriel d'Yves à Yvonne. Content que tu sois de bonne moralité. Le Congolais qui nous a sauvé la vie, j'y pense. As-tu un jour de ses nouvelles? Ou a-t-il été tué pour nous avoir aidés? Franchement, je voudrais bien pouvoir un jour lui dire merci. Et notre maison familiale, y es-tu reparti? Qu'est-elle devenue? Peut-on y retrouver quelques affaires de nos parents? Ou peut-être une petite photo de maman? La maison a-t-elle été brûlée? Raconte-moi. N'existe-t-il pas un frère ou une sœur ou alors une amie de maman avec laquelle tu pourrais me trouver une photo d'elle? J'ai envie de connaître le visage de ma mère. J'essaie d'accepter que tu aies son visage et le teint de papa, mais comprends-moi, ce n'est pas elle. Tu n'es pas elle, c'est-à-dire notre mère. Je veux voir à quoi elle ressemblait. Excuse-moi si je reviens toujours sur ce fait, c'est que je souhaite voir le visage de la femme qui m'a donné la vie. Pour ta question, je peux te dire qu'il y a beaucoup de Rwandais et surtout de Congolais en Belgique. Tu sais que les Belges sont quand même les ancêtres des Congolais et des Rwandais, pour paraphraser un ancien combattant congolais dans un documentaire que j'ai regardé un jour. Leurs conflits sont comme ceux d'un père et ses fils. C'est du « qui aime bien châtie bien ». Et aucune autre nation n'a intérêt à s'entremêler puisqu'ils s'aiment à leur façon. Bonne nuit et gros bisous à toi, ma sœur Yvonne. Courriel d'Yvonne à Yves. Enfin, cette semaine, Tante Nari a accepté de m'accompagner dans notre ancienne maison, là où nous vivions avec nos parents avant le conflit. Je te jure que j'ai connu des émotions que je n'avais jamais imaginées avant ce jour-là. C'est là qu'on habitait, au milieu des cultures. C'était un vrai havre de tranquillité. Cette maison n'est plus que ruine. Le sol de ce qui était le salon est pris par les mauvaises herbes. Il y a des débris partout. Je me souviens, un peu vaguement, de cet endroit. C'est triste. Nos ennemis ont détruit notre maison pour nous montrer qu'ils ne veulent pas vivre avec nous. Des milliers de personnes, y compris des innocents bébés, ont été tués monstrueusement. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des choses de cette atrocité. Et je ne comprends pas non plus pour quelle raison il faille faire ça. C'est si inintelligent. J'espère que nos parents ont eu des morts douces et qu'ils n'ont pas trop souffert. En étant devant ce qui reste de notre toit, j'avais l'impression d'entendre des cris de détresse et de douleur. Je me demande au fond comment deux ethnies sœurs que sont les Hutus et les Tutsis en sont arrivées là. Et je n'en aurai jamais la vraie réponse. Oui, la véritable, celle qui expliquerait mieux cette barbarie de 100 jours. Je salue ta famille, surtout ta sœur Natacha. Je t'embrasse. Courriel d'Yves à Yvonne. Cette question, je me la pose et repose aussi très souvent. Que s'est-il passé dans la tête des Hutus pour qu'ils se mettent à la chasse à l'homme? Pourquoi avoir décidé d'éliminer tous les Tutsis de tout le Rwanda? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été au juste à l'origine de ce clivage ethnique dans ce Rwanda de 1994? Tu le sais, toi, grande sœur? J'ai eu mon bac. J'avais oublié de te le dire la dernière fois. Courriel d'Yvonne à Yves. Bonjour, Yves. Je viens de lire ton message. Je te félicite. Je suis heureuse pour toi. Que Dieu soit loué. Je suis fière de constater qu'en plus d'être beau et de belle taille, mon petit frère est très brillant à l'école. Tu comptes faire quoi après ce bac? Pour tes questions, dans ton dernier message, j'aurais voulu pouvoir avoir les réponses, mais ici, personne, encore moins moi, ne pouvons un jour comprendre cette bêtise de 94. Moi, pour expliquer médiocrement, je vais essayer de te faire un peu de cours d'histoire de notre pays, cette histoire qui a abouti à ce conflit interethnique. Au Rwanda, les Hutus sont les plus nombreux, mais pendant longtemps, notre pays a été dirigé par les Tutsis et ensuite arrivèrent les colons allemands puis belges. Excuse-moi, mais vous, nos ancêtres. L'avantage fut donné aux Tutsis par ces Européens, car les Tutsis leur permettaient de se maintenir. Ici, les Hutus, marginalisés, n'allaient pas à l'école et exerçaient les durs labeurs. En faisant cela, les colons ont divisé exceptionnellement les deux groupes ethniques. Ils animèrent de cette manière sans doute, inconsciemment, la rupture et la haine. Mais à l'approche des indépendances, les Belges changent de conduite et soutiennent alors les Hutus. À l'indépendance en 1962, les gens qui croyaient que les Hutus devraient avoir tous les pouvoirs dirigent le Rwanda. Ils se vengent en agressant leurs frères Tutsis parce que ceux-ci, naguère, avaient été privilégiés par les Belges. Beaucoup ne veulent pas qu'il reste un seul Tutsi dans tout le pays. Ces pensées se sont conservées jusqu'en 1994, quand les Hutus, alors au pouvoir, réussissent à tromper une grande partie de la population Hutu en les persuadant de tuer leurs voisins et leurs frères Tutsi. Le gouvernement et l'armée donnèrent clandestinement des armes à des simples citoyens, envenimés, en leur disant de verser jusqu'à la dernière goutte de sang Tutsi. Sur des chaînes de radio, on pouvait entendre, selon Tante Marie, « Tous ceux qui appartiennent au groupe ethnique Tutsi sont des ennemis du Rwanda. Les Hutus doivent être prêts à se défendre par les armes. Les Tutsi sont faux comme des serpents et sales comme des cafards. Les Hutus doivent se débarrasser des animaux nuisibles. » En 1994, le personnel de l'ONU au Rwanda a alerté qu'un génocide était fort possible. Ici, le personnel implora qu'on envoie plus de casques bleus, mais l'ONU n'en fit rien. Beaucoup ici pensons que l'ONU et le reste du monde ont une part de culpabilité dans la mort lâche de tous ces gens, de ces enfants, au Rwanda. L'ONU aurait pu arrêter plus tôt l'hécatombe, mais on a préféré ne rien faire. Cependant, je crois que les premiers blâmables, ce sont nous-mêmes, les Rwandais. Pourquoi se haïr alors que notre terre est si riche et si vaste? Il y a ici de la place pour tout le monde. Après les massacres, beaucoup d'assassins se sont enfuis au Congo, par crainte de vengeance. Mais des années après, ces réfugiés sont rentrés. Certains ont été jugés et condamnés. Tout cela n'efface pas l'horreur de nos âmes. La justice ne pourra pas faire revivre mes parents. Elle ne peut pas faire revivre ces 300 000 enfants Tutsi tués, dont les photos sont exposées au Mémorial Centre de Kigali. Un jour, quand tu pourras venir ici, on ira voir. Les regards et les sourires sur ces murs donnent l'impression de les sentir, de sentir leur douleur. Finalement, je n'ai pas acheté le téléphone. J'ai fait une boutique. Avec elle, j'arrête d'aller faire le tour de la ville avec mes fruits. Si la boutique marche, je serai un peu à l'abri des besoins élémentaires. Tuta Onana. Courriel d'Yves à Yvonne. Ma sœur Natacha m'a donné une idée hier. Et si on faisait reconstruire la demeure de nos parents? Reprendre nos terres, par exemple. Tante Marie pourrait aller y vivre et se prendre des ouvriers pour les plantations. Ou alors, si c'est une idée impossible, alors je laisserai tomber, car c'est toi qui es sur place et qui connais les réalités. Je veux la faire reconstruire pour faire plaisir à ses premiers bâtisseurs, et si un jour je viens là-bas, j'y dormirai comme eux. Je vais t'envoyer l'argent pour ce projet. D'ailleurs, mon papa est pleinement partant pour... Ça va être bientôt la rentrée et je vais à la fac de médecine à Bruxelles. C'est ce que j'ai envie de faire, devenir médecin pour sauver des vies. J'ai toujours aimé faire ce métier, surtout quand je vois mon père qui est diabétique et qui est tout le temps chez les médecins. Kiss. Courriel d'Yvonne à Yves. Ma tante s'est fait arrêter. Elle a bien été obligée de débourser toutes ses économies pour retrouver la liberté hier. Elle a eu chaud. On a été dans les pétards. En effet, il y a quelque temps, non loin de la maison, un jeune homme qu'elle ne connaissait même pas est venu lui proposer un poste téléviseur. Et comme le prix, évidemment, était très bas, elle n'a hésité que quelques dizaines de minutes. Elle l'a acheté. Elle est friande de feuilletons télé. Mais comme on ne possède pas de télévision, on va les regarder chez les voisins. Et tu imagines qu'on n'y est pas toujours très bien accueilli. Donc, c'est en songeant à tout cela que tante a acheté la télévision, dont le prix était intéressant. Mais des jours plus tard, la police conduite par son vendeur menotté est arrivée chez nous. Tante Marie a été arrêtée en tant que receleur. La télé en question, le jeune homme l'avait volée dans un hôtel où il avait travaillé. Elle a beau supplier et clamer son innocence, elle a été arrêtée. Le problème, c'est que notre gouvernement lutte contre le vol, qui est devenu un véritable phénomène ici. Surtout que l'hôtel était celui d'un richard du pays. Ma tante, dans cette cellule sale, a pleuré toutes les larmes de son corps. Et moi, encore, je plus même que j'étais dehors. Elle avait été victime de sa naïveté, je pense. Enfin, elle est libre. Tout va bien de nouveau, dans le meilleur des mondes, comme on dit. Non ? Toi au moins, tu as la chance d'être en Europe. Au moins là-bas, la vie est belle. Pas comme ici, en Afrique. Et tes parents, comment vont-ils ? Je les salue. Tuta onana. Courriel d'Yves à Yvonne. Il faudrait dire à notre tante de faire désormais attention pour ne pas se créer inutilement des ennuis. Tu sais quoi ? Ici, de même, la vie n'est pas toujours rose. Par exemple, toute cette semaine écoulée, mes parents et moi, on a été dans l'anxiété parce que le frère de ma maman, mon oncle Mario et son épouse, partis en vacances à bord d'un bateau de croisière vers la corne de l'Afrique, comme on dit, ont été pris dans les mers de la Somalie par des pirates. Un phénomène de plus en plus fréquent dans cette région de l'Afrique. Ces pirates somaliens demandaient une somme exorbitante en échange de leurs otages, 11 au total. Les négociations ont duré des jours sans succès. Au finish, il n'y a pas eu de morts et de blessés. Les pirates se sentant menacés et impuissants ont pris leurs jambes à leur cou. Cette prise d'otages a été si médiatisée que mon oncle et sa femme sont retournés chez eux en Belgique en véritables héros. Oui, tout finit donc bien, heureusement. Bye. Courriel d'Yves à Yvonne. Salut. Comment on va là-bas chez nous à Kigali ? Moi, je vais bien. Je suis un peu épuisé par la fête d'hier. Je ne te l'avais pas dit, mais ma mère ici dirige une école primaire privée depuis qu'on est revenu s'installer ici à Namur. Elle l'a fondée il y a de cela 10 ans, et hier justement, on commémorait ses 10 ans. Donc, on a fait une grande fête à l'école qui s'appelle École Sainte-Karine. En fait, Karine était le prénom de ma sœur, la première fille de mes parents. Avant d'aller m'adopter au Rwanda, ils avaient Karine et Natacha. Ma maman dit qu'elle ne désirait plus faire d'autres enfants pour des raisons personnelles. Et puis elle a entendu parler des orphelins africains. Elle s'est dit « Pourquoi pas en adopter un ?» Elle dit toujours que c'était pour elle une manière de montrer son humanisme. Alors elle avait contacté ce qu'il fallait pour. On lui a parlé précisément d'enfants rwandais. Tu sais, qui dit Belgique dit quelque part Rwanda ou Congo, non ? Elle s'est rendue à Kigali sur place et elle dit qu'elle m'a tout de suite adorée parmi tant d'autres gosses. Elle m'a choisi. J'avais 4 ans. Elle m'a emmené en Suisse. Elle dit que je me suis très vite attaché à elle et à ses 2 filles, dont Karine, alors âgée de 8 ans, et Natacha, 5 ans. Quelques mois plus tard, papa avait été muté en Angleterre. C'est là-bas qu'un grand malheur nous arriva. En effet, nous fréquentions tous 3 une école bilingue. Et puis un jour, des gens très cruels ont fait exploser un bâtiment de l'école en se servant d'une bombe, selon les sources. C'était un attentat terroriste qui avait été revendiqué par une organisation islamique qui prétendait protester de cette façon contre l'arrestation pour terrorisme, justement, de 4 des leurs à la frontière du Royaume-Uni. La classe de Karine se trouvait dans ce bâtiment de 2 étages qui s'est écroulé sous la violente explosion. Karine est morte sur le coup, ainsi que plein d'autres élèves dans le bâtiment. Natacha et moi, on était dans le second bâtiment qui, lui, n'a eu que des secousses causant des vitres en débris. On avait reçu des coups, mais on était bien vivants. Nous avons eu plus de peur que de mal. Je me souviens même encore aujourd'hui des hurlements de terreur de mes camarades, de mon cœur qui battait la chamade. Je me rappelle du bruit violent et sourd de l'explosion, des cris des nombreuses sirènes, du concert assourdissant des sirènes de la police. Je me rappelle des cris et des pleurs des parents et de la foule qui était dehors quand on nous a évacués de l'école. Je n'oublierai surtout jamais les hurlements de détresse de ma mère. Yvonne, tu imagines la souffrance de cette sensible femme ? Maman a failli sombrer dans la dépression. Natacha et moi sommes allés à l'école ce matin-là comme d'habitude avec notre sœur Karine. Ce jour-là, nous étions loin de nous douter que nous n'allions plus jamais revenir chez nous avec elle. On ne la revit plus jamais, notre jolie grande sœur, parce que des gens méchants et pleins d'une haine infondée nous l'ont enlevée brutalement. Ça m'a fait mal, et ça me fait mal encore aujourd'hui. Quelque temps après ce drame, les parents des élèves victimes ont reçu de l'argent de la part du gouvernement. Ma mère l'a refusé. Elle disait que cet argent jamais ne pourrait lui ramener sa fille. L'accepter lui donnait l'impression qu'on voulait lui rembourser son enfant. Et puis Pascal, mon parrain, a fini par la convaincre de l'accepter, non pas pour un quelconque remboursement, mais cet argent peut lui permettre d'immortaliser d'une façon son enfant. C'est lui qui lui a donné l'idée de créer cette école. C'est comme ça qu'est née l'école Sainte-Karine, qui s'est agrandie au fur du temps. 10 ans, pour être exact. Donc, hier, mes parents ont inauguré une statue à l'effigie de la petite Karine. Ma sœur Natacha a prononcé un discours très pathétique. Ses propos m'ont touché. Et, très curieux, ils ont même pu toucher mon parrain Pascal, cet homme de coutume si fort, qui ne laisse jamais transparaître ses émotions. Cet homme m'a appris à dominer mes émotions, quelle que soit la situation, même si je ne réussis pas toujours, je l'avoue. Cet homme m'a enseigné les grandes valeurs de la vie. Et plus que mon parrain, M. Pascal Ignette représente pour moi le meilleur modèle de vie. J'ai donc vu pour la première fois une petite larme briller au coin de son œil. Et quand il a surpris mon regard, et qu'il s'est vu pris en flagrant délit de faiblesse, il m'a fait un de ces sourires dont lui seul en a le secret, et puis il a haussé ses épaules. Une manière de me dire « qu'est-ce que j'y peux ?» Aujourd'hui ta sœur me fait pleurer rien qu'avec des mots. Sur ce, Yvonne, je te dis au revoir et à plus. Je t'adore, ok ? À cela, n'en doute jamais. Coup de téléphone d'Yvonne à Yves. Allô ? Bonjour Yves, c'est moi, Yvonne. Ah, enfin ! Que je suis content de t'entendre, Yvonne. J'ai acheté mon téléphone portable ce matin. Mais comment tu as fait ? J'économisais un peu d'argent avec la boutique. Mais il fallait me dire, j'allais t'envoyer encore de l'argent, pas beaucoup, mais au moins de quoi te le payer. Comment va ta tante, notre tante ? Bien mieux. Elle était tombée malade après la prison, mais ça va. Elle est partie à la chorale. Écoute, tu ne paies pas cher à m'appeler ? Si. Alors raccroche, je vais te rappeler. Ok, merci petit frère. Coup de fil d'Yves à Yvonne. Allô ? Yvonne, tu es là ? Allô, oui Yves, je t'entends bien. Tu sais, ça me fait tout bizarre quand tu m'appelles Yves. Tu comprends ? Ce n'est presque plus mon nom. Je n'y suis pas habituée du tout. Je te comprends. Moi aussi, je n'arrive pas à t'appeler Pascal. Je ne suis pas habituée. D'abord, je crois que je vais finir par m'habituer. Tout compte fait, je ne vais pas t'y obliger. Et puis, Yves, c'est cool quand même, non ? Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends mal, mais je suis là. Ok, Frangine. Je voulais te dire que ma tante dit qu'elle serait d'accord pour aller vivre sur les terres de nos parents. Elle est donc d'accord pour la reconstruction de la maison aussi ? Oui, bien sûr. Bon, on verra. Je vais en parler ici, à maman et papa. Ce sont eux les financiers pour parler comme Sue quand elle parle de ses parents. Et ton examen ? Je suis en pleine préparation, c'est dans 12 jours. Je vends à la boutique, donc quand il n'y a pas de clients, j'étudie. Et puis mes nuits, après la fermeture, j'étudie aussi, avant d'aller me coucher. C'est bien, mais ne te surmène pas. Tu vas l'avoir ce BEPC, je le sens. Que Dieu t'entende, mon frère. Qui parle à côté de toi ? J'entends quelqu'un tout proche de... C'est David, un Rafiki. C'est quoi un Rafiki ? Rafiki signifie ami en Swahili. C'est en fait David, ce jeune homme qui vit chez ma tante, qui parle à côté. Je t'en ai parlé un jour. Oui, il va à l'école aussi ? Lui-là, non. Figure-toi que monsieur se trouve trop vieux pour aller à l'école. Il dit qu'il a honte de faire le CP1. Un vrai inconscient. Il a quel âge ? 5 ans de plus que moi. Mais il a pleinement raison, Yvonne. Comment veux-tu qu'à cet âge, il aille au CP1 ? Mais beaucoup le font ici. C'est à l'école du soir. C'est pour adultes. C'est vrai, mais bon, chacun est libre. Tu ne... Coup de téléphone d'Yves à Yvonne. Allô ? C'est moi, Yves. Oui, bien sûr. Ça fait un moment, hein ? Oui, c'est que je n'ai pas trop le temps en ce moment à cause des cours. J'ai essayé de te téléphoner la semaine dernière, mais impossible. Ah bon, c'est le réseau. Mon BEPC n'a pas marché, malheureusement. Et je voulais te le dire. Ah, merde. Je suis désolé pour toi, Yvonne. Ce n'est pas grave. Je vais le tenter encore, l'année prochaine. Redoubler va me profiter. Oui, tu vas avoir une bonne base pour faire le second cycle si tu l'envisages. Et surtout, ne t'en fais pas, tout ira bien. Merci Yves, tu es gentil. Tu sais quoi ? Je suis reparti chez nous, sur les terres de nos parents. Sans blague ! Là-bas, un homme et une femme sont venus me parler. La dame, une Hutu, dit qu'elle a bien connu nos parents. Elle dit qu'elle nous a vus naître. Elle était si émue de me revoir devenue si grande qu'elle en a versé les larmes. J'avais plus l'impression qu'il s'agissait de larmes de repentance. Ces gens sont comme des Hutus responsables de la mort de nos parents, et ils regrettent de s'être laissés intoxiquer par ces gens méchants qui avaient organisé la mise à mort catégorique de notre peuple. La femme m'a dit que je lui fais penser à notre mère. Elle m'a dit encore que notre maman était une femme calme et timide, mais qu'étrangement, elle aimait beaucoup danser. Ah oui, c'est que je tiens mon amour de la musique d'elle alors. Elle a parlé de la jolie brèche de papa, la même que tu as. Elle dit que papa nous aimait beaucoup, qu'il était très protecteur, au point qu'il n'aimait pas nous voir jouer avec certains enfants plus âgés qui, en plus, étaient réputés pour être des adeptes de la bagarre. Réaction normale, je pense, et je ferai de même quand j'aurai des enfants. Elle m'a dit que toi, surtout, tu étais le trésor de papa et de maman. Content de constater que j'étais à la fois un trésor et un Atari. Je vois que tu commences à parler ta langue maternelle. Oui, et grâce à toi, je connais plein de mots. Azante, Tutanana, Atari et Gakata, Gakara. On dit Gakaka. Écoute. Pas que tu m'ennuies, mais je vais devoir raccrocher maintenant et te rappeler dans une heure ou deux, si notre réseau me le permet. Sue a promis de me téléphoner dans un instant, et donc je vais recevoir son appel. C'est qui, Sue, au fait ? T'inquiète, Sue, c'est personne. Chez nous, on dit que quand quelqu'un te dit comme ça c'est personne, c'est que c'est plus que quelqu'un. Alors, je devine que c'est à Malaika. Ok, merci de me faire connaître un nouveau mot en patois. On rediscutera de Sioux une autre fois, grande sœur. Je te laisse. Courriel d'Yves à Yvonne. Comment va ma sœur de ma vie ? Moi, je ne me plains pas trop. Je suis toujours à Bruxelles, et mes amis, et ma famille, et mon parrain, qui sont tous restés à ma jolie ville de Namur, me manquent de moins en moins, et c'est bon. Car il faut que je commence à me faire aussi des amis ici, sur le campus, pour que je ne déprime pas. Et mes cours de médecine très rythmés m'accaparent beaucoup. Je voulais t'appeler, mais ces temps-ci, notre réseau me fait faux bond. Donc toi aussi, si tu n'arrives pas à me téléphoner, dis-toi qu'on a toujours Internet pour communiquer. Écris-moi des mails, ok ? Je t'envoie par un SMS ou email un code demain pour l'argent pour la maison. Parce que je crois que maman m'a dit demain. Courriel d'Yvonne à Yves. Effectivement, j'ai pu retirer l'argent, mais je trouve que c'est beaucoup pour une maison de village. Tante Marie voulait que je t'appelle pour qu'elle te parle, mais impossible. D'ailleurs, elle part demain là-bas pour commencer les travaux de construction. Elle pouvait aller aujourd'hui, mais elle tenait à participer à une audience de l'AKK qui se déroulera ce soir dans notre quartier. Je crois que tu vas vouloir savoir ce que signifie AKK. Le mot même signifie « justice sur le gazon ». Après le génocide, les gens créaient ces tribunaux particuliers aux objectifs divers, dont celui d'écouter les récits terribles des victimes. Tout ça dans l'espoir que les tortionnaires et les victimes puissent se rencontrer et se pardonner. Ici, les organisations pensent que c'est la seule chance du Rwanda de tourner la page et d'aller de l'avant. Moi aussi, j'ai plusieurs fois participé à des AKK pour parler aux autres victimes de ce que j'ai subi, ce que toi tu as vécu et ce que ma famille a vécu. Crois-moi, le faire me permet à chaque fois de libérer ma colère et de me sentir mieux. Ça me permet de ne pas oublier mon tourment. J'avoue que ce n'est pas facile de parler de toutes ces horreurs. Même si je n'avais que 5 ans à l'époque, je me rappelle encore. Ça fait du bien de parler de ces atrocités avec ceux qui ont vécu similairement. C'est pour cette raison que nous, les Tutsis, nous allons au AKK. Les Hutus aussi y vont pour avouer et espérer se faire pardonner. Tu sais, il y a des Hutus qui, en voulant sauver des amis Tutsis, ont été tués. Tante Marie, par exemple, s'en est sortie grâce à son ami qui est Hutu, quand ses bourreaux l'ont laissée pour morte. C'est pour toutes ces raisons qu'ici, on nous a appris à ne pas haïr le peuple Hutu. Mais ceux qui ont participé indubitablement au génocide, les Hutus sont nos frères rwandais, on doit donc apprendre à vivre ensemble et oublier le passé. J'espère que tu es de cet avis, et même si tu ne l'es pas, il faudrait t'y ranger et oublier notre colère, et ça, c'est pour le bien du peuple rwandais. Asante à ta famille, pour leur mapesa. Bye, je t'embrasse. Arrivée de Yves et sa famille et son parrain au Rwanda. Aéroport international de Kigali, juillet 2008. Yves s'avance. Yvonne l'aperçoit et court vers lui. Celui-ci la voit et court à sa rencontre. Il s'enlace avec force. Les deux enfants de Claire et Pierre Abineza étaient enfin réunis comme dans un rêve. Yvonne pleure de joie et son frère, si grand qu'elle ne lui arrive même pas au cou, la réconforte en faisant un effort sur lui pour ne pas la gratifier du douloureux spectacle de ses propres larmes, premier symbole de la faiblesse humaine. Elle pleure, la tête sur sa poitrine, et il lui chuchote de ne plus pleurer. Elle se détache enfin de lui et lui regarde le visage, comme pour graver ses traits à jamais dans sa mémoire. Cette mémoire fragmentée malgré lui depuis 1994. Hé, là, nous sommes là aussi. C'était la voix d'un homme, Arsène Rioux, le père de son frère. Il était en compagnie de sa femme, leur fille Natacha, très jolie blonde, et de son cousin Pascal Ignette, et de Christine, sa femme. Tout ce malheureux petit monde était venu accompagner Yves pour fouler le sol du Rwanda, sa patrie. Visiter ce pays qui renaissait fort bien de ses cendres, de son passé douloureux. Yvonne ne les avait pas remarqués au départ, alors qu'Yves l'avait pourtant averti qu'il effectuerait le voyage avec eux. Elle dévisagea alors timidement ces êtres si gentils qui avaient pris soin de son frère, oui, ces gens pour qui elle avait le plus grand respect. Yves se tourna vers eux et déclara : Papa, maman, chers parrains, à vous cinq, j'ai donc le grand bonheur de vous présenter Yvonne Abineza, ma sœur, ma grande sœur, la Rwandaise. Enchantée, fit Natacha, le visage rayonnant. Yvonne, bon, elle, je n'ai pas besoin de vous présenter. Elle est ta deuxième, ou je ne sais pas si je peux dire ta sœur rivale. Arrête, ne l'écoute pas Yvonne, je suis Natacha. Et je suis tout aussi contente de te voir enfin. Yvonne fit à tous, tour à tour, les accolades de bienvenue. Bonne arrivée chez nous. Bon, on va t'y aller. Je suis venue avec David. Il est le chauffeur maintenant. et j'ai loué, comme vous avez demandé, deux voitures. Ils nous attendent dehors. C'est son collègue et lui qui vont conduire. Je les ai réquisitionnés pour vos 13 jours de vacances ici. Maintenant, ils vont vous déposer dans vos chambres à l'hôtel, le Mémorial Centre. Vous aurez tout le loisir de visiter notre pays. On ira au campement le week-end retrouver Tante Marie, non ? Lui demanda son frère. Bien entendu. Et elle prépare votre arrivée d'ailleurs. Elle est si contente. Bon, on y va ? Comme le petit monde marchait avec leurs bagages vers la sortie de l'aéroport, Yvonne parla à Natacha et Yves qui marchaient à ses côtés. Encore bonne arrivée chez nous. Notre Rwanda qui, comme disait ma maîtresse de CM1, elle s'appelait Madame Nihiraminani, elle disait que le Rwanda n'avait pas besoin de ce génocide pour s'identifier dans le concert des nations, mais il a fallu que le diable s'y mette pour convaincre ses fils du contraire. Dommage.